bien, hein. Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai envie de me refaire un morceau souvent. Que je massacre souvent. Les paroles et le début de la mesure. C'est pas facile. Hein. Il y a tellement de fenêtres là. Bon, il arrive à cette fenêtre là. Sors, s'en fout. Je vais fermer un peu. Alors, est-ce que je vois les mesures? Non, je ne vois pas encore les mesures à 104. Thank you. faire le... Combien de mesures là-dessus? Attends. Ça, je me trompe pas, à chaque fois je me trompe, putain. Tochard, à plus tard. À plus, gars. Choper par les keufs là.